culture. Et maintenant les points de suture. Relique à la ceinture est plus lourd dans le coffre de la tire. Les cerveaux saturent. Oui, oui. En manque d'amour et d'air pur. Tout comme le chien, on a besoin de Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener. C'est Nathigno, ouais, ouais. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Haine et d'eau fraîche, d'illicité de péché. Mon seul taf, je rappe sur SP12MPC. Je vois pas mes frères agir à jeun sans le bise, incapable de survivre. Ils se lèvent le matin, mais juste pour pisser. Les soirées sont chèques et sont que je n'ai. Je donne mon asque pour kiffer, je dois me défoncer au whisky. Du son pour les roues, un putain de flot de banlieue pour les roues. Père négro pisse et les terroristes. Éclate à location, insertion. Sous pression comme nos consommations des consorts. Bédaf comme si c'est permis, la vie c'est. Les griffes avec du vernis, string 90 C. Suicide à la HIA. Pour faille, après aller briller. Peur de crier quand je vais griller. 92 hardcore, on oublie le jardin. Les têtes, ça va les bouteilles. Je m'endors avec du bouteille. Les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Pour ramener ma part de progrès. Pour les regrets. Quand rime, pas à crime, on sauve ton frère du sel. Rime, rime, rime, rime. opéra. À cause du temps en code pénal. Faudra battre, tous mes raps arriveront sans rabattre. À fond dans l'autre sens de la droiture. Mes gros des points durs. Toujours à l'avant dans la voiture. Je te fais saigner quand t'as pas tes règles. Je me commentaire avec une barrette. J'ai son qui débrouille comme les Touaregs. J'ai pas de pareil, et ceux qui essayent font marrer. J'suis déjà arrivé, ils ont pas démarré. On est foutus, une clique de barbares, on va tous y passer. Comme le pape sans gilet pare-balles. J'ai le vice et quand je vis c'est droit dans ton terma. Toujours chaud, j'suis dans un thermo. On veut te baiser dès que tu montes. Et je me demande si c'est truqué comme la coupe du monde. Faut que j'emmerde tout le monde. Ici y'a rien de tendre, rien à comprendre. Les hautes scènes en cause à Nostra. Putain c'est grave comment on cause à notre âge. Y'a pas de feeling. Et si tu veux tester mes égales. Là c'est bien, on teste comme si c'est légal. On teste toujours. Ah c'est pas mal. Le système développe trop de pièges. Les gars assistent au cul. En tout cas les réactions sont toujours très surprenantes. Et beaucoup plus agréable que ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, moi, c'est vrai que je l'ai abordé un peu comme performeuse, en fait, comme parce que c'est difficile à faire. C'est beaucoup d'heures de méditation avant d'arriver à lâcher quelque chose de moi comme ça, c'est pas évident. Parce qu'en fait, on se juge nous-mêmes, mais c'est pas du tout reçu comme ça. Et preuve en est, en tout cas, les retours que j'ai sont très loin des craintes initiales que je peux avoir. Et même bien au contraire, ça incite d'autres personnes à se dévoiler un peu plus, à livrer quelque chose. Et en tout cas, je reçois beaucoup de merci. Et voilà, parce que je sais que c'est des personnes qui, derrière en privé, vont m'envoyer une photo d'eux en fauteuil roulant, par exemple. Enfin, en fait, ils vont être contents que là où effectivement c'est pas forcément évident, et qu'il y a quelqu'un qui s'engage artistiquement et qu'il le fasse en fait. Voilà. Moi, en me faisant du bien, j'essaie de créer une sorte de catharsis comme ça, un peu collective. C'est un peu mon. Ouais. D'accord. Comme le gant, j'ai écrit inévitable. Comme la femme et ses monstrues. Pourquoi je te parle de nourrir nos instruits. Les vérités que nos lèvres articulent. Surveille le bien et le mal jusqu'à sa moindre particule. Vu que le diable manipule. Voudrait le monopole, l'humanité divisée. Pôle, sud contre nord, civilisé. Je me dois d'être cultive la science semée par les ancêtres. Homme qu'émite, original, donc normal que nombreux imitent. Tout comme les galaxies, j'ai mes propres limites. Même les étoiles s'éteignent, t'es pas éternel. Bonhomme, réfléchis une minute. Orienté vers mes quatre, est-ce que Dieu est unique? Vers lui le retour, aussi sûr qu'additionner 6. 6, 7 donne 19. Additionner 6. 6, 7 donne 19. Chaque fois ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars, civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars, civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. On peut construire vu les connaissances qu'on a. On peut détruire quand l'ignorance est là. Civilisé. Mes troupes sont mobilisées. Je viens dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je viens dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je viens dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. micro. Non, c'est que... La reprise des Red Hot que j'ai faite, c'est Other Side. C'est sur la Californication. Ouais, elle est prête. Oh, tu me diras. Ouh, il y a pas de Kenyon qui fait le DJ. Ah oui, elle est. Elle est beaucoup plus soul et jazz que l'original, alors forcément. Cool. Cool. Cool. Tu me diras. Cool. Cool. Cool. Tu me diras. Cool. Tu me diras. Cool. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away now. Vas-y, vas-y, Ignatinho. Ignatinho. C'est qui a inventé le nom? Essaye tout le micro. Sur la branche d'un mec, je te les mourailles et le but. 9 de petit, je le répète, faut pas t'inquiéter. En fait, je pose avec les t-shirts, logiciels, lyrics. Vous avez donc mes casquettes, mes casquettes. Ma première parole sera la dernière. Puis mon arrivée, le string pouvait tremper. Que le hip hop français repose en paix. C'est Ardoum, ça est Nesby. Rani, Rani. Malikam Monro. Mala. Que le hip hop français repose en 92 injections. JBJ, Gerardo J. Le hip hop français repose en paix. Mala, Enzo, Zissou, Ezo. Dimitri, Wilfried, Kodio, Kodio, Rodé, Alpha, Omega, Omega, Ronald, Ronald, Ronald, Ronald. Michael, Michael, Juan, Juan, Juan. Oui, dans la chronique Armour, en plus, je pourrais parler également du défilé des cultures qui avait lieu ce week-end à Montfermeil, qui est un défilé qui... Non, merci. C'est à la fin. Qui permet de mettre en lumière des jeunes talents. Il y a pas mal de maisons de haute culture qui participent. Et ça avait été instauré à la suite des émeutes en 2005, pour ceux qui se souviennent. Ah oui. Voilà, en faveur de la diversité, de la mixité et du bon vivre ensemble. Et il y avait justement une ancienne patiente, créatrice de son état, qui m'avait invitée à aller admirer ce magnifique défilé. Parfait. Bon, voilà, donc on va parler de ça. De quelle autre chose on va parler aujourd'hui ? Vincent, tu peux prendre un micro, là, ou... Il a le tignon ? Qu'on parle aujourd'hui ? Non, c'est bon, moi j'ai parlé, c'est rien. J'ai juste parlé que mon frère Christ repose en paix, au-delà, déçu, de tout ce qui va avec. Et j'ai été l'honoré. Enfin, il a été me délivrer de ma tombe, ou de mon tombeau. Il m'a mis. Après, j'ai aussi, je l'ai délivré, sous sa tombe. Et je l'ai mis un livre. On l'a mis un livre. Et on est parti. Lui, il est parti quelque part d'autre. Et moi, je suis venu. On me dit, ici je suis pas à la terre ou à la terre de Ronin, la terre de Bobigny, qu'on est à l'IMD ou à l'IMDH. Moi je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pour l'instant j'ai pas de projet. Pour l'instant j'espère que nos vies sont protégées et que au-delà de cela, j'espère j'aurai autant de réussite que mon frère a eu du côté de la femme ou de l'homme, que moi j'ai eu de la femme ou de l'homme, si on a fait qu'une partie, que l'un et l'autre a été chacun de son côté. Et après, pour l'instant, on s'arrête là et voilà. Et mon frère s'appelle Igualtino, Igualtino. Et moi, je m'appelle Igualtino, Ign minuscule, Altino. Merci. Oui, voilà. Ignaltino qui parle de son frère Igualtino. Qui fait des voyages dans les systèmes solaires et au-delà. Hein. Parce qu'avant, il s'est limité au système solaire. Là, il va à la galaxie. Puis... Hein ? Avant, c'était celle bleue qui était là. Il a fait une teinture jaune en tribal ou en égyptien. Là, avec des dessins dessus. Il a fait beaucoup de Dragon Ball Z, tout ça, tout ça. Ça. Et moi, j'ai fait teinture bleue, mais je suis pas le mec que vous dites qu'il y a l'art chemin. Et même si j'ai l'art chemin, tout le monde a connu des difficultés dans la vie. Des fois on se laisse faire, des fois quand on se laisse faire, on a marre de trop se laisser faire, après ça donne des dingueries. Après, voilà, je vous dis, maintenant, je compte passer de l'autre côté de la barrière ou de la barrière. Je sais pas ce que j'ai comme projet encore. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et puis tu vas nous raconter tout la. Attends, quel numéro c'est ton micro ? Numéro 4. Vas-y. Vincent, bienvenue. Merci, Naltinho, qui va nous parler tout à l'heure du système solaire. Et là, c'est Vincent qui arrive. Vincent, Black. Ouais, bah moi, en fait, je voudrais parler comment c'est arrivé le rap à moi, en fait, à mes débuts. En fait, j'ai commencé à rapper quand j'avais 17 ans. Ouais. À mes 17 ans, j'ai commencé, j'étais au lycée, en terminale, à Jean-Renoir. Ouais. Et j'ai rencontré un gars qui rappait, je me suis dit, oh, c'est bien de rapper. Et en fait, je me suis mis à rapper, j'écrivais pas de texte, je faisais que des impros. Ouais. J'écrivais pas de texte, en fait. Le gars, en fait, il m'expliquait les techniques, comment on fait pour rapper, quoi. Et après, j'ai commencé à faire une analyse complète du rap et j'ai commencé à écouter de la musique rap que j'écoutais déjà avant. Et quand j'ai rappé, c'était pas super, j'ai attendu des années et à mes 25 ans, je continuais à faire des impros de temps en temps. Les jeunes, ils disaient, oui, vas-y, rap, Vincent. Ils aimaient bien parce que quand tu vas dans des quartiers de Bondy, du 93, le rappeur, en fait, c'est le gars qui dit des messages, qui dénonce ce qui se passe dans les quartiers, quoi. Et moi, j'arrivais, je disais des trucs dans. Et quand j'arrivais à mes 25 ans, je tombais gravement malade parce que j'arrivais à arrêter de prendre mon traitement. Et donc j'étais pire que le latino, c'est-à-dire que je parlais tout seul, je marchais, je dansais dans la rue, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il me disait tout me disait rap, et j'arrêtais pas de rapper, quoi. Ouais. Et après, mais à ce moment-là, j'étais pas dans les temps. Mais je continuais à écouter du rap et j'ai resté avec des rappeurs, quoi. Comme j'allais parler à tout le monde, je rencontrais toujours plein de rappeurs qui rappaient avec moi, quoi. Ouais. Et après, j'étais à la MAO, et là, c'est une MJC, en fait. Et je lisais des articles sur les journaux du rap, l'affiche, ou des trucs comme ça, ou radical, des trucs sur les rappeurs, quoi, et la production. Et après, au bout de plusieurs années, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, fais des cours de chant. Et après, j'ai fait les cours de chant. Trois cours de chant, quoi, 3-4 cours de chant à la MJC. Et après, j'étais dans les temps. Et après, un gars m'a dit, comme ça, va enregistrer pour voir ce que ça donne. J'ai pris des vieux textes avec moi que j'avais écrits. Et j'ai enregistré quand j'avais 28 ans. Et après, quand j'ai enregistré, je me suis dit, ah ouais, j'ai fait écouter ça à mes potes, les DJ. Ils me disent, ah ouais, c'est fort, c'est quoi ça? Et en fait, quand j'avais 23 ans, ils aimaient bien. J'avais fait un concert devant 400 personnes à Mitry. Ils disaient, ah ouais, bien, ils attendaient l'album, quoi. Oui. Et en fait, moi, je n'y croyais pas parce que je pensais que c'était de la rigolade, quoi. Et après, j'allais mieux, j'ai commencé à travailler, j'ai fait un travail dans une église. Et après, j'ai attendu mes 32 ans pour enregistrer. Et à mes 33 ans, non, 32 ans. Et 10 ans, et j'ai enregistré à mes 32 ans, et ça fait 10 ans qu'ils sont enregistrés les sons. Et après, je les ai mis sur YouTube. Et quand je les ai mis sur YouTube, là, c'était bien, quoi. Les gens, mes potes qui mixent, hein, ils m'ont dit les sons, ils sont bien, quoi. Ils sont vraiment bien. Et ça veut dire que c'était une façon... à leur manière de dire que c'était vraiment bien. Et j'ai fait écouter à des gens qui ont dit « Ah ouais, ça, c'est de la bonne musique, quoi. » Pour des gens qui écoutent de la musique, pas pour des jeunes de quartier, quoi. Quand c'est un jeune... Les jeunes de quartier, ils écoutent de la musique aussi. Mais les jeunes de quartier, quand un rappeur, il vient, c'est amateur. Mais c'est eux qui achètent les disques. Ouais. Et en fait, après, j'ai eu des fans. Et après, j'ai été dans une famille de gens dans l'événementiel, avec des gens qui faisaient des concerts, qui rappaient déjà, mais c'était semi-pro. Et après, ils m'ont dit de faire un clip, j'ai dit non. Et là, maintenant, je sais pas ce qui va se passer parce que j'ai pas envie de me rappeler de mes textes. En fait, mes textes, je m'en rappelle pas maintenant, quoi. Jamais ? J'en ai un et demi que je m'en rappelle, quoi. Et en fait, j'attends. Ça fait 10 ans qu'ils ont enregistré des textes sur ma clé USB et ça fait 10 mois qu'ils sont sur YouTube. Ah oui. Et là, j'ai 120 vues. Vincent, bravo, ne lâche pas tes rêves, s'il te plaît. Ouais. C'est important, ouais, quel que soit ton âge. Mais si, regarde, j'ai 40 ans et je compte bien remplir le Zénith un jour. Hein. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vis la célébrité, en fait, parce que même si... Salut. Oui, tu continues à parler, hein. Et même si... Bonjour. Bonjour, attends, qu'il est fini, et après c'est toi. Et même si je suis pas connu, en fait, je suis connu via les réseaux sociaux, en fait. Il y en a qui écoutent la musique. Donc en fait, comme c'est... Bonjour. Comme c'est du rap... Tu m'écoutes, tu l'as dit. Oui, t'écoutes, du coup, c'est juste que tu dis bonjour aux gens. Comme c'est du rap... Ouais. Et que j'habite dans un quartier où... c'est une résidence, tout le monde sait où j'habite, quoi, en fait, dans le quartier, quoi. Ouais. Donc ça veut dire, en fait, qu'ils passent devant chez moi, quoi. Et là, ils me clashent, ils parlent mal, il y a des gens du 9-2 qui viennent, il y a des gens du truc, il y a des gens dans des rappeurs connus, ils parlent de moi dans leur chanson. Après, c'est toi, attends, finis, attends, oui. J'ai pas pour longtemps. Oui, bonjour, ton monsieur. Prénom, j'ai oublié ton prénom. C'est Abari. Abari. Il marche pas bien, le monsieur. Bienvenue, bah, vas-y, ça marche, tu t'entends bien. Hein. Ben, j'étais à l'hôpital, là, ce matin. Oui. J'ai perdu mon grand-père qui est décédé à l'âge de 102 ans. Oh, que son âme soit en paix. 102 ans, c'est une longue vie quand même. Hein. Oui. Et là, je suis sorti, je me suis fait agresser et ils m'ont volé mon portefeuille. Et dedans, il y a mon passeport et 100 euros. Et l'individu a été arrêté à Bobigny. Et j'ai fait main courant et je suis content. Et demain matin, je sors de l'hôpital. Ouais. Et alors, pour en revenir au rap, en fait. Attends. Alors le shit, je connais bien le shit par cœur. Héroïne, cocaïne, bloc, drogue, c'est pas bon pour la santé, oui. Mais nous tous, on est là pour qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette truc de merde là. Sinon, on va jamais avancer dans la vie. Ben, il faut, pour que ça avance dans la vie, il faut arrêter le shit, la cocaïne, l'alcool, la drogue. Tout ce qui est drogue, il faut arrêter. Le truc, pour revenir à ce qu'il a dit, oui. Le truc que je sais qui marche pour arrêter les trucs, c'est quand t'as une obsession. Ça marche, ça. Il remplacer une drogue par une autre, non. Ça marche toujours. Moi, je continue avec le rap. Le sport, c'est bien. C'est bien le sport. Sport et sport. Et donc en fait les gens ils savent où j'habite, quoi. Oui. Donc je suis une célébrité, même si les gens ils se demandent pourquoi les gens ils viennent pas me parler dans. Bonjour. Oui, hey, yeah, Ogni, ça va? Merci. T'es Ogni, ça fait longtemps. Bienvenue. Tu as un micro pour toi. Tu as un micro là. Et Martin, les gens en fait ils savent que c'est moi qui rappe, mais personne ne vient me parler. Ah oui. C'est bizarre quand même, hein. Mais ils savent. J'ai des potes à moi qui me disent, oui, ces femmes viennent de province, elles n'osent pas venir te parler, quoi. Ah oui. La classe. Mais pourquoi? Et alors, le truc où j'ai été fort, vraiment, sans vanter pour dans le rap, où vraiment j'ai vraiment été fort, c'est parce qu'en fait j'ai écouté les lunatiques. Et en fait, les lunatiques, en fait, c'est les seuls qui sont comme ça dans le rap, en fait. C'est du rap scientifique. Même leur album, en fait, leur premier album, en fait, leur son, c'était 45 scientifiques, c'était Martin. Ah oui, 45 scientifiques. À l'époque, hein. Et déjà, c'était tellement en avance pour leur temps, parce que ces gens-là, en fait, Martin. Oui, t'entends, je t'écoute. Hein, ces gens-là, c'est des scientifiques. Quand ils parlent d'un truc, ils rentrent pas dans les détails. C'est des scientifiques, ces gens-là. Et les gens, en fait, ils... Micro, prenez un micro. Là. Tu peux donner un micro, elle? Mais si, on va dire bonjour, on va tout te parler, là. C'est quoi votre prénom? Moi? Oui. Sylvie, bienvenue à la radio. On a un micro partout, on a 6 micros, là. Tiens, Vincent, tu as un micro à côté de toi. Tu veux continuer à parler? Oscar, allez-y, parlez au micro pour entendre votre voix. Ouais, Christiana, tout le monde est là. Ouais, Jason, tout le monde arrive, le métanoïaque au complet. Ogni, ça fait longtemps que tu vas nous faire des imitations, là. Ça va, Jason? Allez-y, quel numéro c'est votre micro? Attendez, votre micro, il y a un numéro scotché sur le... 5 un petit peu comme ça pour voir en tant que 4. Allez-y, parlez. Bonjour, enchanté. Je vois que vous parlez un peu plus de rap. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le rap. Et j'ai trouvé fantastique les nouveaux albums de Booba et de Jules. Et c'est vrai ce que vous dites, les anciens rappeurs comme Lunatic chantent la rue et décrivent bien le scientifique, ce qui pourrait se passer plus tard, quoi. Ils décrivent bien ce qui peut se passer dans l'univers d'une cité. Ouais. Et franchement, je leur félicite pour ça, pour qu'ils le fassent découvrir aux jeunes et que ça perdure et voilà quoi. Merci. Attendez. Allez. Faut pas pousser comme ça par terre le micro, faut pas les jeter parce que sinon ça fait. Et voilà, juste pour conclure, pour continuer par rapport à la musique, et ben il y a des grands rappeurs, ils sont morts juste parce qu'ils étaient connus, ils ont rappé. Parce qu'après il y a les rivalités. Ce qu'il y a en fait, c'est que les gens du 9-3, ils n'aiment pas les gens du 9-2. Et les gens du 9-4, ils n'aiment pas les gens du 9-3. Ils n'aiment pas. Et en fait, il y a des rappeurs, ils ont fait un concert. Il y a des rappeurs, ils ont fait des concerts et ils ont été... Et ils ont été problèmes avec la justice juste parce qu'ils étaient connus. En fait. Juste parce qu'ils étaient connus, ils ont été problèmes avec la justice. On a compris que les mecs du 9-2, ils n'aiment pas les mecs du 9-3. Laisse-moi faire ma vie tranquille. On va parler... Ogni, tu vas nous faire une imitation de son là. Oui, mais viens, approche-toi. C'est ma sœur là qui est en train de me déranger. T'es ça peut-être, tu as une place pour par là. Ouais, la place Ogni. Ah là-bas, il y a Ogni. Ognition. Christina aussi, là, la place. Tout le monde à la place. Bonjour madame, c'est votre prénom, c'est Ramika. Bon, bienvenue. Merci. Asseyez-vous. Alors, prends le micro, Ogni. Fais-nous une imitation quand tu sais le faire. Là, en face de toi. Ouais, chevaux. Ognition, on est retour à la radio. Ognition. Ouais, Ogni. Mom. tu vas devenir de la forêt. Ogni, oui, des retours à la radio, Metanoia, Ogni et tous ces bruitages. Ogni, là, il a fait une quantité de bruits, d'imitations, de sons. Tu l'as depuis quand, Ogni? Ah. Tu l'as depuis quand? Tu l'as depuis quand, quoi? Ici à l'hôpital, depuis quand? Ça fait longtemps que tu te vas là. Ouais. Ouais. Bon, nous, on est contents parce qu'on t'a la radio quand même. Ben ouais. Avec toutes tes imitations de sons, là. Vas-y, on dirige-nous à Cristiana. Là, vas-y, on je t'aime. Ok. Alors, Ognil va nous faire des imitations freestyle. Et Cristiana, tu vas parler de l'amour, c'est ça? Ouais. Elle va parler de l'amour et toi, tu vas parler de l'amour. Et Mister, tu vas parler de ton passeport et de ta cigatrie. On va venir tous. Ouais. Toi, ton prénom c'est Dominique. Albès. Autisho. Mais ton prénom c'est Autisho. Sylvie. Sylvie, bienvenue. Tu veux parler de quoi aujourd'hui? Je sais pas. Sécheresse. Ok. Sécheresse. Hey, Fofanata, ouais, bienvenue. Salut Fanata, tu as ton instrument là si tu veux jouer. Il faut lui mettre à côté peut-être. Fanata, c'est notre musicienne des xylophones. Les échecs. Ouais, mais les échecs de l'autre côté là. Tu peux lui donner le xylophone comme ça qu'il peut jouer, hein? Bon, on a plein de choses. Cristiana, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Dans l'espace amoureux, j'ai une rubrique. C'est. Oui. Rubrique de l'amour. Ma rubrique aujourd'hui, ça va parler de l'amour. Ça va parler de quand on est amoureux, est-ce qu'on est compatible sexuellement. C'est ça, ça va parler. Oui. Vaste sujet, hein. Vaste sujet. Ok. Et on est tous. Oui, Sylvie. Allez-y. Non, je parlais de la sécheresse, comme quoi c'est comme l'amour, ça se distend avec les sentiments. Ça. Ah oui. Mais je parle plus de la sécheresse par rapport au climat, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour avertir les usagers de consommer moins d'eau, oui, et de canaliser les eaux usées. Hein. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. C'est génial comme ça, comme rubrique, la rubrique écologique, écosophique. Écosophique, voilà, chacun une rubrique. Et vous, Mamita. Mamita en espagnol, c'est petite mamie, Mamita, jolie mamie. Et Mamita, vous voulez parler quelque chose à la radio? Non, je Bon, si vous voulez, n'hésitez pas, hein, prenez le micro, parce qu'on va être en direct dans 20 minutes, on est sur les ondes FM digitales, là. Pour l'instant, on est déjà sur Internet. Oui. Mamita en espagnol, ça veut dire quoi? Mamita, c'est petite mamie. Ah, d'accord. Comme petite mamie, mamita. Ah, mais il est à fond, Ogni, c'est notre bruteur. Lui, il fait tous les sons que personne d'autre peut faire. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ça fait longtemps que tu venais pas ici, hein. Ouais. Faut pas qu'il doit attendre d'être en crise pour venir, hein. Voilà, donc on est prêt à venir, à partir, venir, entrer, sortir. Est-ce que tu voulais nous montrer peut-être ta musique pour l'instant, Anne-Laure, comme avec ça, plaisir. Déjà, on prépare notre émission. Hein, oui, il s'agit donc d'une reprise des Red Hot Chili Peppers, parce que j'ai peur de rien. Et qui sont un peu des icônes de mon enfance, enfin de mon enfance, de mon adolescence plutôt. Et c'est vrai que c'est plutôt de la musique pop rock, mais consonance rock. Et moi, je les ai toujours entendus beaucoup plus soul, je pense, que la façon dont eux l'ont fait. Et donc, j'ai eu envie de l'interpréter à ma façon. Voilà. Et donc, c'est une interprétation des Red Hot de la chanson qui s'appelle Other Side. Ok. Alors, sur Metanoia. How long, how long will I slide? Separate myself. I don't believe it's bad. Seeing my soul, it's all I ever. I heard your voice through a photograph. I saw it up in front of the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are not meant to me. A cemetery when I'm out in a sea. Stranger things could never change my mind. I gotta take it on the other side. Taking on the other side. Taking on. Taking on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's bad. Clean my soul, it's all I ever. Put my life into a paper cup. This 24 and I sleep in my guts. She wants to know, am I still a slut? I've gotta take it on the other side. Starlit sky and she's in my bed. A candidate for a summit blade. Push the tiger and pull the sweat. I gotta take it on the other side. Taking on the other side. Taking on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's bad. Take me for a drive. long, how long will I slide? Separate myself. I don't believe it's best. See in my soul, it's all I ever. Oui. Oh, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo, le métanoïage. Ouais, super. Oui, il y a effectivement un bon décalage entre... Enfin, il y a un gros problème de niveau, de volume, puisque j'enregistre avec, en fait, de la musique derrière. Ouais. Parce que, en fait, quand je le fais sur des applications spécifiques comme la chanson de Starmania, la dernière fois, je peux pas le partager après avec tout le monde. Donc c'est beaucoup plus qualitatif au niveau audio, mais ça me permet pas de le partager sur les réseaux, par exemple. Donc ça me limite un peu. Oui. Voilà. Oui, non, mais c'est pas pourquoi, mais je pense que dans les paramètres, quand tu enregistres, tu devrais mixer ta voix, les micros de ta voix, avec la chanson que tu écoutes après, mais il doit être dans les paramètres d'enregistrement. Je t'embêterai après. Au revoir, si j'arrive. Merci. Ça, c'est une bonne théorie, mais après, c'est pas ça marche. Ogni, tu penses quoi de tout ça? Oui. Non, mais vous partez pas sans moi. Qu'est-ce qui se passe, Ogni? Vas-y. C'est Ogni, voilà, et c'est tout Ogni, ce bruit, et tous les bruits qu'Ogni amène de l'intérieur, de l'âme, de le plus profond de la pensée. Et voilà. Je voulais quand même juste faire un petit merci pour le xylophone, j'ai trouvé ça très joli. Merci beaucoup. Oui, il faudra le refaire tout à l'heure, j'espère. Ah, vas-y, Fofanata, tu peux jouer un peu là pour t'écouter? C'est quoi comme micro? T'as le 5 ou pas? Fofanata, drums. Ok, on est à 10 minutes de commencer notre émission sur le DAB. Ah bon? On est déjà sur Internet, mais on est prêt. Ogni, tu es là, tu viens, là, je vois, tu perds pas tes facultés sonores. Voilà. Vas-y, on va. Donc on prépare ça. Tu veux dire quelque chose, Christiana? J'attends qu'on commence pour faire la rubrique. Ouais, non, mais on s'entraîne déjà. Ça va être intéressant comme ça. J'ai hâte de savoir ce que tu fais de dire. Des meutes. Comme la dernière fois. Attends, vas-y. Écoute, ça va? Ça va? Hein, ça va? Écoute, ça va? Arrête. Ok, bien, on est prêt. Ah. Oui, on est bien. Oui, attends, est-ce que il faut un micro là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Tu es prêt d'un micro un petit peu. Ok, ok. Ouais. Alors, vas-y. Alors, tout d'abord, moi, je suis vraiment désolé de mon grand-père qui est décédé ce matin. J'ai appris la nouvelle ce matin. Et paix à son âme. Que Allah lui raccorde le paradis. Et je me suis fait agresser à Bobigny tout à l'heure par 5 individus. Ils m'ont volé mon passeport et dedans il y a 100 euros. Oui, Jetty. Je suis à la radio. Rappelle-moi dans 5 minutes, je suis à la radio. Mais j'ai donné l'adresse à Bali. Bali, il a l'adresse. Bali, il a l'adresse. Je l'ai envoyé à Bali. Attends, je termine. Donc, j'ai été victime et ces agresseurs-là, la police, ils ont attrapé l'agresseur. Et le passeport, il l'a jeté. Et les 100 euros, c'est parti à la poubelle. Il a pris mes 100 euros. Et c'est un monsieur qui vend des cigarettes à Bobigny. C'est un trafiquant. Et il est reconnu de police. Et la police, ils m'ont donné la plainte. Et avec la plainte, je vais faire un nouvel passeport à la mairie ou à la préfecture. Et là, je rentre en bonne condition et je veux être dans une bonne condition à l'hôpital. Et je suis dans des bonnes conditions à l'hôpital. Déjà, j'ai arrêté la drogue parmi les médecins, mon psychologue, qui m'aide aujourd'hui à prendre la Valium, tout ce qui est Valium, tout ce qui est médicaments. Ça, j'ai arrêté les bêtises, j'ai arrêté de fumer le cannabis. Et pour dire même, j'ai envie d'arrêter même la cigarette. Pour dire même là, j'ai même pas de cigarette et ça me donne même plus envie. J'ai en train de manger des chingombo pads. Et là, je vais mettre une page, ils vont mettre une page là. Parce que demain matin, c'est ma sortie et je m'en vais m'héberger à l'hôtel. Parce qu'il n'y a aucune famille qui peut me prendre en charge. Parce que ma soeur, c'est elle qui a m'hébergé, mais là, actuellement, elle ne peut pas. Elle a des enfants. Et là, je vais être hébergé à l'hôtel, de l'église de Pantin. Et tous les jours, je paye 40 euros et le mois, ça me revient à 600 euros. Je préfère être dans une bonne condition, pas une mauvaise condition. Parce qu'avant, à l'époque, j'étais à la rue et je suis à la rue, je fumais le cannabis comme je veux. Mais maintenant, mes voix me disent, tout est compris, on va te trouver une solution et vous allez sortir de l'hôpital demain matin. Merci beaucoup et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Ah, ils sont gentils, les voix, des fois. Hein. Il n'y a pas quelques voix méchantes, mais oui, c'est vrai. Hein. Ça se fie au cas. Bon, on a aussi Jason qui va nous faire sa colonne de sport. Ouais. On est à 6 minutes de l'entrée. On va essayer de mettre une petite musique avant que ça commence. Avant que ça commence. Attends, il y a quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que tu disais? Ça aussi tu peux jouer là. Attends, on va voir comment on peut jouer là, In Altinho, en direct de Metanoiaque. Bon, maintenant, il y en a marre. C'est parti. Hein? Ouais, c'est parti. Tu vas revenir? Hein? Ouais. Tu vas revenir? Ouais, c'est parti, mon salaud. Hein? Sarcèche. Non, tu mets la musique? Aïe. Oh, Tu vas revenir quand? Tu vas On est à 2 minutes, on commence. Dans 3 minutes, on est prêt. On va commencer par. C'est quoi les programmes? On va les lire quand ça commence. Ogni, tu vas lire, on est Radio Metanoia, on est dans l'espace. Et là, et Tessal va lire le programme. Oui. Et après, il y a Anne-Laure qui a montré sa musique. Il prend sa colonne. Et c'est ça. Metanoia, on est à... Attends, on a 2 minutes, on commence. Après, on va mettre la musique d'Ignaltinho. On s'est prêt pour tout à l'heure. Mais d'abord, ouais, on a toute la musique. Alors, on va commencer. Ouais, on va dire la musique préférée d'Ignaltinho. Et après, tu vas raconter le système solaire, ok? Ça, ton voyage, tu fais tout le truc. Ok? Tu es prête. Tu les prêtes, qui va, tu prends le micro, tu prends le micro. Tu... Oui, mais attends, arrête. Ouais, attends, on est à 1 minute, métanoïaque. Chaos total, c'est pas grave. On est dans les chaos pour accoucher une étoile qui danse, dit Nietzsche. Ouais. Il est... Pourquoi Nietzsche encore? Nietzsche. Ouais. Metanoïac. Yo Metanoia, on est en direct, c'est Ignaltinho qui vient de direct du système solaire. Il vient nous raconter tous ses voyages astrales. qui vient d'arriver avec un stick qui était donné par quelqu'un de Neptune. Inaltinio nous met sa musique préférée parce qu'après il va nous raconter le voyage et l'ascension totale de son frère. Inaltinio qui va nous raconter des... Inaltinio, que tu viens de... Inaltinio, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu... comment tu voyages à travers le système solaire et l'histoire de ton frère, s'il te plaît? Bah, moi, je voyage... avant, je voyageais dans le système solaire par les métros... Métro Stargate, SG1, je prenais les tunnels, tout ça. Après... je suis sorti du métro, j'ai arrêté de traîner dans les métros et tout ça, et dans Paris. J'ai commencé à traîner dans Paname et j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai fait des connaissances. J'ai réussi à traverser dans des tunnels pareil, exactement pareil aussi, mais dans en dessous des ponts, j'utilise des codes génético-ADN pour ouvrir les portes de Stargate et voyager à travers. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur internet, ça s'appelle Demon Slider. Mais toi tu m'as dit que pour prendre ton envol pour le système solaire, tu prenais un peu de chaud et un peu de froid. C'est ça ta manière de démarrer? Ouais, en fait, ma main gauche, c'est la main la plus chaude, et ma main droite, c'est la main la plus froide. Et au milieu, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux, ça donne la fraîcheur et la tiédeur. Et quand je mélange les deux, ça donne un résultat. Tempéral. Et ça permet que tu voyages... Ça me permet d'être à l'aise dans mon corps et d'avoir ni chaud ni froid. Mais des fois, je fais un peu souffrir mon côté gauche et mon côté droite parce qu'ils sont injustes avec moi et voilà, et c'est tout. Est-ce que tu peux nous raconter comment ton frère Inaltinio est parti dans l'au-delà et il ne veut plus revenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Inaltinio, en fait... Il s'est rendu au cimetière de Bondy où j'étais sous une tombe protégée et un tombeau protégé et enregistré dedans et il a déposé ma statuette sur un tombeau ou une tombe. Le dos vers le sud. Chez nous, comme la radio s'appelle Ado, donc Ado, ça veut dire je te donne, tu me donnes. Moi j'ai ressuscité et lui il est parti au-delà de là, ça veut dire dans la mort ou dans la vie après la mort ou dans nos vies ou... C'est-à-dire que quand tu es là, il est dans l'au-delà. Ouais. Vous êtes un peu à l'opposé, quoi. Non, on n'est pas des opposés, on est des portes menues, mais on peut pas s'arranger comme ça parce qu'au cas où il y en a un qui tomberait, l'autre relèverait l'autre. Ah d'accord, donc vous vous aidez mutuellement, sauf que quand tu te regardes devant le miroir, c'est quelqu'un d'autre en fait. Moi je me regarde dans le miroir, effectivement c'est pas mon frère jumeau, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre, de, peut-être un peu bon ou un peu mauvais, mais ça dépend. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, c'est super, Inatino. Merci, c'est la chronique Système Solaire. Une dernière chose, Inatino, c'est quoi ton lieu préféré du Système Solaire ? Mon lieu préféré du Système Solaire, c'est la planète Neptune. Et je vis là-bas. Quand d'ailleurs, mes copines m'ont permis d'aller là-bas juste en m'endormant 3 secondes. Chrono, j'apparais là-bas et je reviens de là-bas. Et donc, moi je dis, c'est bien, mais je leur permets aussi, au moins 3 secondes même, de baisser là-bas. Qu'est-ce que tu aimes en Neptune ? Qu'est-ce que tu trouves de beau en Neptune ? Je trouve de beau ? Il y a tout ce système solaire qu'il y a avec nous. Il y a Mercure, il y a la planète Terre, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Saturne, il y a Apollon, il y a le Soleil, il y a Saturne, il y a Jupiter, et toutes ces planètes là on les voit en réel et pour de vrai dans la lumière du Soleil et ce que je veux dire. Super, merci beaucoup pour ta colonne du système solaire, Inatino. Si tu as d'autres choses à nous rapporter, c'est super. Mais moi, j'aimerais bien que un jour tu nous fasses un atelier de comment construire un chaud et un froid et pouvoir partir dans l'au-delà. Voilà, tu vas nous montrer tout ça. Et voilà, Ogni, tu veux dire que... Ouais. Prends le micro parce que c'est... Il y a ce qu'on appelle Mandala, d'ailleurs je pense au président Mandala, Nelson Mandala qui a été prisonnier pendant 60 quelques années en prison et qui a été libéré et qui repose en paix. Et après, je veux dire, il y a le truc qui s'appelle des Mandala, c'est des dessins en noir et blanc ou en blanc et noir qu'on peut colorier et ils sont ronds. Et il y a différents dessins, différents soleils, différents trucs, différents tout ça. Mais sachez que si je peux vous protéger, je vous protège, mais sachez qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et quand on fait des trucs comme ça, ils se rebellent. Et je vais vous montrer, c'est des trucs comme ça, noir et blanc. Il y a des trucs en blanc et noir. Blanc et noir. À colorier, à dessiner, tout ça. Ok, un dernier mot. Vas-y, prends le micro, merci Inatino, vas-y. Alors maintenant, tout est présente. Je me présente Doucouré Abari, je suis né le 17-10 mois 1988 à Paris 20e. Tout d'abord, je remercie les infirmières et les médecins, les psychologues à Villevra-Bondy. Et j'espère que je ne vais plus revenir ici. Et quand je dis je ne veux plus revenir, c'est à cause du cannabis. Avec les voix là, qu'ils étaient méchants avec moi, mais là ils sont gentils. J'ai remercié les membres de la direction de Villevra. J'ai remercié les membres de la direction de Villevra toujours. Et j'ai remercié les infirmiers et les médecins et les animateurs. Je vous remercie beaucoup. Et je veux que nous, les patients, on reste en bonne condition, pas en mauvaise condition. Et bonne journée à toutes et à toutes et bon mercredi à toutes et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, Christiana, tu voulais dire quelque chose et après on va passer la parole à Laure. On a plein de choses à dire. Il y a la chronique de sport de Jason qui va nous parler de plein de choses. Attends, et la finale, il y a Roland Garros, il y a plein de choses. Ogni qui est au bruitage en permanence. Fafonata qui fait la musique aussi en permanence. Voilà, donc Christiana, vas-y. Alors, je vais faire ma rubrique sur l'amour. C'est ma rubrique sur l'amour. Aujourd'hui, ça va être... On est combien aujourd'hui ? On est le 7. Le 7 juin, ma rubrique sur l'amour que quand j'étais chez moi, je lui ai dit, je vais faire cette rubrique. J'ai réfléchi à. Je reçois, maintenant, je réfléchis aux rubriques. Ah oui, parce qu'avant, je réfléchissais pas, mais là, je réfléchis. Alors, aujourd'hui, la rubrique, ça va parler. Est-ce qu'on est compatible en amour ? Alors, je vais poser des questions. Question. Quand on est amoureux d'une personne, on sort avec elle et on doit faire la première fois avec elle. Est-ce qu'on est compatible sexuellement ? Pourquoi est-ce qu'on doit ? Ah, t'as dit on doit faire quelque chose. Moi, quand je sors avec quelqu'un, je dois pas faire quelque chose la première fois. En tout cas. Non, pas la première fois, mais dans. C'est pas la première fois quand je dis ça. La première fois, c'est dans... Quand t'es prêt à faire première fois. Bah, on peut pas savoir si on n'a pas testé, si on n'a pas essayé. Non, tu sais comment, toi ? mais il faut essayer d'abord. Et dans ma rubrique, il y a des gens qui essayent, mais après quand ça fonctionne pas, ils partent. Pourquoi ils partent ? Bah parce que ça compte beaucoup pour eux et que si ça marche pas, visiblement, bah le reste ça marche pas. D'accord. Non, je sais pas. Qu'est-ce oui, que t'en penses ? Oui, peut-être. Peut-être, je sais pas. T'en penses quoi, toi ? J'écoute. Pour l'instant, je pense pas. J'essaie de niveler le micro. J'ai pas de pensée, bref, mais. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que vous posez la question aux gens là ? Qu'est-ce que tu penses ? Personne ne sait. Ogni, tu penses quoi ? C'est quoi ta question, Christiana ? Quand t'es avec une femme, t'es compatible avec elle. Oui. T'es compatible ou t'es pas compatible ? C'est-à-dire qu'on t'habite, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on t'habite. C'est-à-dire qu'on t'habite. C'est-à-dire. Non, oui, dites-moi, c'est-à-dire qu'on t'habite, c'est-à-dire quoi ? Compatible. Attends, laisse-moi répondre. Ton téléphone, vous pouvez nous appeler à Radio Métanoïa, n'oublie pas notre numéro que je connais même pas par cœur. Mais compatible sexuellement. Sinon, vous m'appelez à mon numéro, moi, et ça passe. Est-ce que vous êtes compatible ? Sexuellement. Comment savoir si on est compatible sexuellement ? C'est ça ta question ? Oui. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse ? Vincent, tu as une réponse ? Pose la question à tout le monde. En attendant que Vincent arrive, juste une question beaucoup de feeling. Personnellement, je fais confiance à mon intuition. Si j'ai envie d'embrasser quelqu'un, normalement, on sera compatible sexuellement parce que j'aurais eu un ressenti sur toute la personne. Normalement. Ah, bah je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Bah oui. Je peux me tromper. Eh, Vincent, on t'attendait, c'est à toi justement. La musique. Non, c'est pas la musique, c'est la question. La question c'est quoi ? Est-ce que tu peux être compatible avec plusieurs femmes ? Compatible. J'ai pas répondu à cette question moi. Tu veux pas répondre à cette question ? Juste une, ça suffit. Non, même plusieurs, je réponds pas, j'ai pas répondu à ça. Juste une femme. Comment tu sais que t'es compatible avec une femme ? Je sais pas, j'ai jamais posé cette question, bah c'est au feeling où on sent quoi. Feeling. Ouais, au feeling. Okay. Ouais. Et comment tu peux feeling ? C'est en anglais, ça veut dire sentir, ressentir. Non, moi je dis déjà de l'embrasser, ça se voit que t'es compatible. Si tu l'embrasses, tu vois que c'est bien quand tu l'embrasses, c'est-à-dire que tu veux être compatible. Oui. Non, c'est pas ça, c'est quand on s'approche et que la fille elle veut aussi, elle on s'approche. Mais faut parler avant. Avant, faut parler avant. Ou alors t'es Georges Clooney quoi, tu passes à la télé, t'es Georges Clooney. Mais il faut parler avec elle d'abord, mais moi je te parle. Mais même Georges Clooney, il faut qu'il parle. Hein. Ouais, Georges Clooney aussi, il faut qu'il parle, il se prend des râteaux aussi. Hein. Oui, j'espère. Mais il faut qu'il parle, il va pas embrasser quelqu'un directement, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. On m'a jamais comparé à Georges Clooney, hein, donc ça va alors. Vous savez que le Martin, ouais, vous savez que le gars le plus côté de tous les côtés, c'est comment il s'appelle? DiCaprio. Non, c'est comment il s'appelle? Rulio Iglesias. C'est lui le plus fort. Le charmeur de tous les charmeurs. Et en fait, les gens ils disaient que c'était lui le plus fort en fait. C'est-à-dire que il est là, il est fort quoi, il est fort quoi. Il est fort en quoi? Eh ben aucune femme ne lui résiste. Allô, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a toujours des femmes qui vont te résister, mais il est connu pour être très fort quoi lui. Mais c'est-à-dire qu'il se servait de sa musique. Il y a un truc qui allume du feu ici. Hein? Il allume le feu. Il y a un truc qui allume le feu ici. Regarde. Oui, c'était avec la musique, tu sais. Rulio Iglesias, c'est grâce à la musique. C'est parce qu'il a une voix qui charme les dames, voilà. Non, c'est pas ça, c'est parce que techniquement, il était très fort, quoi. Techniquement, il était très fort. En quoi, embrassé. Mais après, les femmes, ils aimaient pas parce que... Oui. Un signe de bisou, le mec, il t'embrasse. Un, deux. Après, il y en a, c'est leur genre. C'est leur genre, en fait, quoi. Il y en a, c'est pas l'argent, c'est pas son genre, elle quoi, à lui quoi. C'est pas son genre. Une fille, elle va dire, ouais, lui c'est pas mon genre, mais ce qu'il a fait, personne ne va jamais faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il s'appelle Rulio Iglesias. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah en fait, il a plus de 2000 conquêtes. Hein. Il est en train de jouer avec le feu, vous êtes à la radio. Il a eu plus de 2000 conquêtes. Hein. Il a eu plus de 2000 conquêtes. Ah quand même hein. Il a eu 2000 conquêtes. Hein. Guinness ouais, c'est lui le plus fort quoi. Tous les players que je connaissais, ils connaissaient tous Rulio Iglesias. Ils disaient, ah ouais, Rulio Iglesias. C'est le champion de l'amour. Champion de l'amour, comme DiCaprio. Mais moi, j'ai un ami à moi, en fait, son père était vraiment fort, quoi, son père, quoi. C'était quelqu'un qui était vraiment fort, quoi, son père. Mais fort en quoi? En femme. Il a marqué l'histoire, quoi. En fait, c'est des charmeurs et ils collectionnent des femmes. Et en fait, c'est il a une collection de 2000 femmes, Rulio Iglesias, c'est ça? Non, il a eu 2000 femmes. Ah. Oui, bah, il a quand même une collection, voilà. Donc, il a une collection de 2000 bisous avec des femmes. Minimum bisous. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est fort. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fort. Voilà, c'est ça. Il paraît qu'un homme qui collectionne les femmes, c'est fort. Moi, je crois pas. Merci. Il collectionne les conquêtes. Oui. Et toi, t'en penses quoi? Comme moi, tu penses que c'est nul? Oui. Il y a des femmes qui collectionnent les hommes aussi. Alors en fait voilà, moi je revendique déjà le droit de collectionner au même niveau sans passer pour une prostituée, parce que c'est un peu ça le débat souvent. Bah oui, c'est vrai. Un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un donjouan. Une femme, c'est une prostituée. Là, c'est poli, ouais, c'est ça. Je suis polie parce qu'on est à la radio. C'est juste. Merci. Pas tant que ça, hein. Oui, mais déjà trop. Non, mais ça dépend déjà, ça dépend de la culture, hein. Pas tant que ça. Hein. Oui, non, mais c'est-à-dire de que. De quelle culture c'est la... Mais non, mais peu importe la culture, là, vraiment. La bêtise, tu sais, c'est intraculturel, hein. Vraiment, ça, voilà. Interculturel, ça, voilà. Tout le monde est touché. Et en l'occurrence, c'est plus des principes d'autorité, comme on dit, des vieux principes dans la tête des gens. Un, deux. Des vieilles croyances. Ah, voilà. Par contre, je pense pas que ça soit bien de collectionner ni les hommes ni les femmes dans l'absolu. Ouais, c'est pas bien de collectionner. Bah, ça sert à quoi? On va pas faire. Voilà. Bon, après, le principal, comme tout bon collectionneur, c'est d'être honnête. Donc, si c'est juste pour faire un bisou sans promettre la lune, je pense que t'as le droit de faire des bisous à qui tu veux. Je pense que si tu promets le mariage à une femme pour lui faire un bisou, non, ça c'est pas bien. Sur le gui. Le truc que je sais par rapport. Sous le gui, oui. Mignon, c'est mignon sous le gui. Ma meilleure amie m'a dit un truc une fois, j'ai un peu beaucoup avec elle, elle m'a dit. Nous les femmes, quand on a kiffé un gars, après c'est mort, elles disent quoi? Parce qu'elles vont avoir des enfants, après elles vont avoir des enfants, elles vont être mères. Après elles veulent travailler, elles veulent fonder des familles. Beaucoup de femmes sont comme ça quoi. En tout cas, elles voient un gars, oh, j'ai kiffé le gars là. Et elles voient des trucs que nous on voit pas. Parce qu'elles ont une intuition féminine quoi. Mais même si tout se voit pas en fait, mais elles voient des trucs qui se voient pas quoi. T'en penses quoi toi? C'est vrai. T'en penses quoi toi? Toi d'abord. Quand t'as kiffé un mec, tu veux te marier avec lui? Ah mais je l'observe d'abord. Non, et puis en fait, je cherche pas un mari à tout prix déjà. Moi non plus. Enfin, déjà aujourd'hui, j'en cherche pas du tout, je t'avoue. J'arrive déjà pas à me débarrasser de l'ancien. Non, mais il veut pas divorcer. Mais bon, bref, c'est pas pour aller en chercher un autre. Moi non plus. Et après, par contre, oui, tes amis, elles ont raison. Les femmes, on a souvent un petit. Mais ça, c'est à sixième sens, quoi. Micro. Oui. Sixième sens, alors. Oui, ouais, d'accord. Il paraît. Mais moi, le mariage, ça me dit pas. Je sais pas, j'ai jamais. J'ai pas rêvé de me marier un jour avec un homme. Oui, toi, c'est différent. Pour toi, t'es anti-S. C'est une autre affaire. Hein. Là, c'est tout ce qui. C'est une autre affaire. Moi, j'ai été là-bas. J'ai été en Martinique et en Guadeloupe. Là, c'est autre chose. Là, c'est différent. C'est les ancêtres. Là, les trucs. Là, c'est différent. Là, non, sérieux, c'est vrai. Hein. C'est différent. Parce qu'en fait, même moi, je suis. Parce que moi, j'en suis fou, en fait, moi. Et en fait, mes amis, en fait, mes vrais amis proches, c'est tous des Antillais, en fait, quoi. Et en fait, ils croient dans leur communauté. En fait, c'est des gens influents. Ils croient que dans leur communauté, moi aussi, comme je viens dans leur famille, des fois, je dors là-bas, des fois, je viens quand le mari n'est pas là, sa femme m'accueille, ses enfants, ils sont là. Et si jamais rien passé, ils croient qu'en fait, je suis leur cousin, ou le cousin de leur mère, en fait, quoi. Et donc, comme je m'assois avec eux et que je danse et tout, ils croient que je suis. Il y a les Indiens qui sont dans leur pays aussi, quoi. Tout ça pour en revenir au fait que moi, je me suis demandé pourquoi j'étais sensible à cette culture, tu vois. Et en fait, c'est parce que dans les bateaux d'esclaves, en fait, il y avait des Indiens, en fait. Moi, je savais pas, en fait. Il y en avait ou pas? Oui, il y en avait. Ma grand-mère est indienne. Les West Indies, c'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les Indes de l'Est? De l'Ouest, pardon, de l'Ouest. C'est parce que t'as l'Inde qui a été découverte par Christophe Colomb. Voilà. Et. Enfin, l'Inde de Christophe, on va dire plutôt l'Inde de Christophe Colomb, effectivement. Quand il a fait le tour, et qu'il est tombé, avant de tomber sur les États-Unis, il est d'abord tombé sur les îles des Caraïbes. Et il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de. Les premiers bateaux, oui, d'esclaves, c'est. C'est des Indiens, c'est les West Indies, c'est pour ça qu'on appelle. Il n'y a pas d'Indiens en Amérique. Les Indiens en Amérique, c'est des Indiens d'Inde à la base. C'est ceux qu'on a ramenés déjà. Oui, bah, il y a encore qui change. C'était des esclaves avant les esclaves. Oh, micro. Vincent. J'étais esclave avant l'esclavage. Il faut qu'ils changent. Bah non. Non, au même moment. Ah, d'accord, je ne savais pas. Vas-y. Alors. C'est un faux problème, faut que je sorte de ça, parce qu'en fait, il faut que je revienne dans ma culture. Moi, je suis un Indien, en fait. Mon père, ma mère, ils sont Indiens. Moi, j'ai... Il y a ma tante, en fait, du côté de ma mère, en fait, elle habite à Nouméa. Mais Nouméa, c'est pas vraiment... En Nouvelle-Calédonie, elle habite. Et son... Voilà, c'est... Je suis un Indien, moi. Faut que je revienne dans sa culture. Je l'ai dit dans ma chanson, j'ai un problème d'identité, moi. Parce que c'est ça, en fait, dans les problèmes psychologiques, en fait, il y a un problème identitaire, en fait, où les gens, en fait, ils sont dans la banlieue, donc quand on est dans la banlieue, les gens, il n'y a pas beaucoup d'Indiens, donc après ils disent ouais que toi t'es pas Indien, t'es un black, après les blacks ils viennent, après t'as des potes blacks, après tu vas dans la soirée black parce que t'aimes pas la musique indienne, après tu danses cette danse, après tu te mets à la musique et en fait après t'as un problème d'identité après. Tu te souviens du film Un Indien dans la ville? Ouais. En fait ça aurait pu être un Chinois, un Portugais, plein de choses. En fait, là quand... C'est une, c'est une métaphore du réalisateur qui va mettre justement un petit enfant indien en avant avec ses traditions, etc., dans Paris. Donc, un contraste entre les traditions d'origine de cet enfant et la ville de Paris, en 2000 et quelques, enfin, un peu avant les années 2000. Et c'est justement... Et en fait, aujourd'hui, quand on parle quand on dit un Indien dans la ville, par exemple, c'est pour dire... Ah oui, c'est quelqu'un qui a peut-être des traditions d'origine différentes, tu vois. Ouais, mais pour autant, il est tout mignon. Et c'est lui qui a raison souvent. Il a un regard beaucoup plus vrai sur le monde. Mais effectivement, c'est pas toujours facile de pas ressembler à toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais moi, je suis d'origine kabyle, entre autres, je ressens la même chose que toi. Et d'ailleurs, des fois, je dis, vous avez jamais vu un Indien dans la ville quand je parle de moi. Mais toi, t'es vraiment d'Inde, mais voilà. Non, j'ai vu. Ouais, allez, mes misicules, moi, qu'est-ce que tu fais, baboune? Non, je dis, elle parlait d'un Indien dans la ville, j'ai dit, c'est avec mes misicules. L'acteur qui joue dedans, le petit Indien qui joue dedans, il s'appelle Mimusiku. Quelle rubrique vient maintenant là? D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, il chasse beaucoup de pigeons dedans. Après, il est. Il est mange. Inatteignant et en forme, on lui dit bon. Jason, il va nous faire sa colonne de sport avant de passer à la musique d'un lore. Et à la rubrique Armour. À la rubrique Armour. Mais Jason, c'est quoi l'horizon de sport? La finale se joue à Prague. Finale de quoi? Finale Europa League Conférence. Ouais, Fiorentina, West, AS Fiorentina, West Ham, United. Okay. Et tu pars, tu prends l'avion là tout à l'heure hein? Oui, je prends l'avion. Tu vas arriver alors? Oui. Un peu en retard peut-être. C'est quoi ton pronostic pour le match? Je vois plein de buts, mais je vois la Fiorentina gagner. Combien? Je vois plein de, un gros score. Ou peut-être les prolongations aussi. Il y a aussi Roland Garros. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Roland Garros? Je vois Rafael Nadal. Il y a Djokovic aussi. Ou Roger Federer. En finale. Mais là, c'est les huitièmes de finale en ce moment. Alors, voilà quoi. Alors, pour conclure avec moi, en fait. Bon, juste pour finir pour l'amour avec les femmes et tout, juste pour conclure. Eh ben. Non, j'ai pas fini. Ah, pardon. C'est bon, je parle pas. La finale se joue à Eden Arena. Ce soir sur W9 à 20h50. C'est fini ou t'as une autre chose? C'est à 20h50. Est-ce qu'il y a d'autres choses de sport que tu veux nous dire aujourd'hui? Roland Garros, c'est jusqu'au 11 juin. Et là, les huitièmes de finale, il y avait Djokovic. Et des noms que j'ai pas retenus, mais ils sont forts. Ils sont forts. Même chez les filles. C'est les filles. Et c'est bientôt les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et l'Euro 2024. Et l'Euro en juillet, c'est la Coupe du Monde féminine de football en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est le rugby aussi, en septembre. Mais la Coupe du Monde féminine, c'est à partir du 20 juillet. Voilà, merci Jason pour ta colonne de sport, la chronique de sport. Allez, alors un peu de bruit, un peu du son Ogni avant de passer un lore. Vas-y Ogni, à toi. Et après c'est Vincent et après un lore. Vincent. Vas-y Ogni. Allez la Fiorentina. Allez. Ok, on est de retour, là on a une petite coupure. Fofana, tu fais un peu de musique. Vas-y, Fofana, on t'écoute. Allez, on t'écoute. Je me suis dit au parc, on voit tous les jours là, il y a des fans à moi qui me... Stéphane, qui me demande si je me suis suicidé parce que on habite dans un bon appartement à Bondy-Centre et je viens là tous les jours, quoi. Donc, ils se disent peut-être que je me sens mal parce que c'est pas un endroit bien pour s'épanouir, quoi. Ah, bah justement, on va en parler. Ça tombe bien. On va passer à. On va parler justement de ça, tu vois. On va passer à Laure qui va nous montrer un peu ça. Et après, on va goûter à Adeline Altignon, qui est le DJ aujourd'hui, DJ Système Solaire. Mais on va. Alors, vas-y, c'est à toi la parole. Oui, alors, petite rubrique Armour. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir, sur des réseaux sociaux comme Facebook, de partager mes créations et ma vision artistique, qui englobe de la musique déjà. Comme commencez à le savoir, j'adore chanter et j'aime partager surtout. Voilà, ce que moi je capte dans la musique et le retranscrire et le partager avec d'autres personnes, un public en particulier, c'est-à-dire que les autres chanteurs, s'ils n'aiment pas, voilà. Par contre, un public, c'est-à-dire des personnes qui sont chez elles et qui écoutent, oui, voilà, c'est elles qui comptent. Bah oui, je chante pour les gens qui écoutent, pas pour les autres chanteurs. Bon sauf s'ils m'écoutent. et donc sur ma page aujourd'hui. Facebook, je présente voilà, un petit peu toutes mes différentes créations. Et je me mets souvent en scène moi-même. C'est-à-dire que parfois, l'objet de mon art, c'est moi. Je vais faire des sourires, je vais faire différents sourires, je vais expliquer la force du sourire. Je vais faire des petites chroniques qui s'appellent Armour ou dans lesquelles, notamment, je vais présenter des petites collections individuelles chez les gens, comment c'est décoré, avec des petits cœurs, des petites roses. Souvent, les gens regorgent d'imagination, c'est magnifique. Il y a plein d'artistes qui s'ignorent. Et par rapport, justement, au fait de se mettre en scène et comment est perçu le monde psychiatrique, je ne cache pas un certain nombre d'éléments sur ma vie, sans rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, par exemple, j'ai changé ma photo de profil ce matin, et j'ai mis une attestation que m'a remise une infirmière là-haut, qui disait que j'étais stabilisée, au niveau des troubles anxio-dépressifs. Bon. Peu importe l'histoire qu'il y a derrière, les gens qui le reçoivent sur Internet ne connaissent pas ma vie, ils voient juste ça. Voilà. Ils commencent à avoir un petit peu de l'habitude de mes performances et de mes excentricités, mais il y a quand même mon nom, donc ils savent que c'est vrai. Et en l'occurrence, quand je livre, donc là, je suis allée vraiment, là, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est criant. Là, je veux dire, c'est pas ce que je mets en, je parle très peu, enfin, je parle pas de la psychiatrie tous les jours, mais c'est un sujet que je pense important. Je cache pas qui je suis et qui je suis artistiquement aujourd'hui, bah, y a aussi des éléments de la psychiatrie, donc je ne cache pas. Voilà. Et en l'occurrence, c'est toujours. Enfin, ça a été reçu, j'ai reçu par rapport à ce message que j'ai mis ce matin, cette photo de profil, j'ai eu que des retours extrêmement positifs, des merci, beaucoup de merci, donc de personnes qui, en fait, elles-mêmes souffrent de certaines choses, mais qui ne vont pas l'exprimer. Et donc, bah, quand je le fais, pour moi, c'est un petit peu l'idée de l'art, c'est que justement, voilà, ça vient exprimer quelque chose que parfois les mots ne peuvent pas dire. Voilà. Et donc, c'est pour dire que déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sensibles au monde psychiatrique et au-delà de ça, qui ont des soucis de santé, etc., et qui ne vont pas être dans le jugement. Et en tout cas, aujourd'hui, je vais te dire que voilà, sur peut-être 50 commentaires que j'ai eus, j'en ai eu zéro négatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne pensent pas des choses négatives. Mais en tout cas, l'opinion publique, tu vois, est suffisamment éveillée pour qu'il n'y ait personne qui ose piquer. Ça pourrait, hein, je suis prête à ça. Hein, ça peut. Non, mais ça pourrait. On pourrait me dire, ah, t'es taré, oui. Oui, mais je le revendique. Je revendique ma douce folie. Non mais voilà, tant que ça fait du mal à personne, que c'est de l'art, que c'est de la chanson et de la peinture, voilà. Et c'est ce que je partage sur Facebook. Donc, et voilà. Donc c'est pour vous dire que les choses avancent et que l'amour avance, parce que c'est le grand cœur. Ça c'est quand même voilà. C'est pour dire que il y a beaucoup de cœur et il y a beaucoup de personnes qui ont du cœur et simplement on les voit pas forcément. Et c'est pas parce qu'elles disent rien ou qu'elles sont discrètes qu'elles sont pas là. Et il y a, je pense, une majorité silencieuse quand même dans la vie, quels que soient les sujets. et y compris ce celui-là. En tout cas, sur celui-là, preuve en est à mon échelle, et aujourd'hui, j'ai des contacts d'un petit peu partout dans le monde. En tout cas, voilà. Et aujourd'hui, dans l'art. Vincent, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Aujourd'hui, ma passion, c'est mon plein temps, et mon travail, j'y travaille, justement. mais je peux libérer plus de temps là-dessus, et comme j'ai des vilités artistiques, j'en profite. Micro. Prends le micro, Inatineo, prends le micro, le 4. Son entourage ou ta vie intérieure? Alors, mon entourage, je ne l'expose pas, je ne montre personne. Je grime tout, donc je fais le maximum. Et après, ma vie intérieure, c'est mon problème, ce que je dis ou ce que je ne dis pas. Mais effectivement, je ne dis jamais les choses. Enfin, c'est rare, mis à part ce matin où bon, là, j'ai été effectivement très explicite sur le sujet. Mais parce que, comme toute performance artistique, ça me demande à moi quelque chose, en fait. Donc, je vais chercher. Voilà, c'est pour m'obliger à me dépasser moi. Mais sinon, oui, les éléments que je donne sur ma vie, je les donne de façon masquée, pour pas non plus. Et tu penses que tu peux tomber sur la justice ou pas, ou l'injustice ou pas? À quel sujet? À propos de ta vie intérieure et de ta vie extérieure. Bah, tant que je suis pas hors la loi, la justice, je crois pas que je l'intéresse beaucoup. Non, parce que quand on fait des choses dans la vie, on doit prouver. C'est comme les religions. Quand tu témoignes de Jéhovah, témoigner. Mais est-ce que tu as pensé à protéger ceux qui t'ont soutenu, qui t'ont entouré, qui t'ont donné du courage, qui t'ont donné de la volonté? Est-ce que tu as pensé à les soutenir, à les encourager, à leur donner ce qu'ils t'ont donné, à donner? Alors, je remercie Papa Dieu tous les matins, tous les soirs. Et j'ouvre mon cœur à toutes les personnes qui ont du cœur. Voilà. Merci. Et alors, vous voulez nous montrer un peu ta musique aussi? Tu peux présenter un peu la musique? Attends, Jason, tu voulais dire un truc? Attends, c'est la norme. Et c'est quoi toutes ces vagues? Vas-y, plus fort. C'est quoi toutes ces vagues? Attends, ça marche pas. Attends, c'est quoi toutes ces vagues? Eh ben, t'inquiète pas. Ça marche pas. Oh, là, oui, attends. Comme ça. Ah, ici. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. J'ai dit, c'est quoi toutes ces vagues? Merci de poser la question parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié celle de la. Oui, mais grâce à ta question sur ma main droite, je me rends compte que j'ai oublié de mettre toutes celles de la main gauche, tu vois. Dans les deux mains. C'est beaucoup esthétique. Après, c'est des choses que j'y mets. Non, les bagues, je parle. Oui, les bagues, oui. Bah, c'est des cadeaux. Pour faire joli. Ah, c'est des cadeaux qu'on m'a fait ou que je me suis fait, ça dépend. Oui. Ah, j'ai cru que t'étais mariée. Non, je tiens. Enfin. Je suis, j'arrive pas à divorcer, ça c'est une chose, mais sinon dans ma vie actuelle, je suis pas mariée. Enfin, c'est une ancienne vie où je suis mariée. Au bord du divorce. Dans ma chance fait que je ne suis pas mariée en France, je me suis mariée au Cameroun. Donc ça va. Ah. Mais j'arrive pas à divorcer au Cameroun quand même. Et le mari, il veut pas signer? Non, il veut pas. Toi, tu veux signer? Ah bah oui, bah c'est moi qui proposais, donc je voulais bien. Tu t'es bien maquillée. Merci. Jeanne cherche l'amour. Cherche l'amour. Excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, en tout cas, excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, je suis à la recherche. Je suis à la recherche du sérieux, mais pas ici. J'espère pour moi, dans ma vie à venir. J'ai 34 ans. J'ai tout devant ma vie. Et là, j'aimerais bien de sortir avec quelqu'un de comme moi, respectueuse. Elle est gentille, une femme pieuse, une femme qui elle est gentille. Ben voilà, pour faire ma vie avec elle. Sincère. Et elle est sincère. Et moi, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Et merci. Oh. Prends un micro là, 5, ouais, voilà. Donc vous pouvez nous appeler. Je souhaite juste allez, la Fiorentina. J'ai une âme sœur. Mais c'est une âme sœur où, quand j'ai beaucoup de relations sexuelles avec elle, et ben, c'est très fatigant parce que c'est quelqu'un de chaleureux et moi je suis quelqu'un de chaleureux, donc c'est épuisant. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un un peu, pas froide, mais comment dire, fraîche et douce à la fois. Voilà. Vous pouvez nous appeler à la radio Métanoïa si vous avez des propositions. Ici, il y a beaucoup de... Mais Jason, tu cherches quoi dans la vie? Moi, je cherche une fille blanche, brune ou blonde. Une bière. Une bière. Une petite blanche. Une mèche rouge. Avec des... Ah, c'est précis, quoi. Ah oui. Waouh. Mais tu sais qu'il n'y a pas de catalogue, hein, ça existe pas. Brune, blonde ou rousse. Il n'y a pas de catalogue du cœur, hein, si ton cœur il bat pour quelqu'un. Avec les cheveux rouges en plus. Non, mais comment tu peux savoir que tu vas tomber amoureux d'une fille blanche avec les cheveux blonds, avec des mèches rouges. Mais comment tu peux savoir que tu vas tomber une au lycée. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est parce que t'étais amoureux déjà. D'une... Ah bon bah ça sera peut-être une autre alors. Il est toujours amoureux, Jason. Sur Instagram. Et tu peux attends, je lui dis depuis longtemps, je lui dis à l'hôpital de jour, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, tu vas tomber amoureux d'une personne, mais il faut attendre. Moi, je veux pas attendre. Oui, il veut pas attendre. T'as pas le choix. De toute façon, c'est pas toi qui décides. Cherche une cœur. Fille comme Tessa, par exemple. Ouh. On assiste à une déclaration en public, c'est mignon. C'est vrai que c'est quoi? Ah, de fiançailles. Tu sais que si t'approches les femmes en précisant que tu cherches une femme pour marier, tu vas leur faire peur. Hein. Non, faut d'abord que tu y ailles doucement. C'est mon seul que je connais. D'accord. Non mais là c'était peut-être un peu, tu vois. Il va loin. Un peu trop rapide, tu vois. Oh mais c'est bien. J'ai une amie d'enfance. On sort ensemble. Oui. Bah oui. Elle habite à Villemont. Et? Mais là c'est fini non? Vous êtes. Vous en êtes où? Amis, c'est tout. Ton cœur est libre donc. Hein? Ton cœur est libre. Oui. Voilà. Je sais pas. Souris à la vie. Je sais pas si elle est encore célibataire. Si elle est encore célibataire. Ah bah faut lui demander. Mais ça fait longtemps qu'ils sont pas venus chez nous. Comment elle s'appelle? On te rappelle là par la radio? Joanna. Joanna, est-ce que tu écoutes Métanoïa? Si tu écoutes Métanoïa. Il y a Jason qui t'attend là. Ce soir, il n'est pas là parce qu'il part couvrir le match de foot. Mais à Prague. À Prague, mais demain, tu peux l'appeler, tu lui envoies un message, de la télépathie, tout, il reçoit tout, tous les signaux. Voilà. Et samedi, il y a la finale de la Ligue des Champions. Manchester City, Inter de Milan. C'est à Istanbul, ça? Istanbul. Tu vas y aller? Ouais. Oh, cool. Non, en fait, bon, on va goûter là. Il est pressé de trouver l'amour, hein. Dépêchez-vous. Attends, mais entre-temps, on est resté sur la chanson de Anne-Laure. Qui nous fait... ouais, si tu veux sortir de la dépression, en fait, moi, j'étais dépressif avant. Ah oui. Je suis sorti de ça, mais je me sens bien, mais j'ai encore une grande tristesse. Mais j'étais dépressif avant, en 2016. Et après, j'étais dépressif avant, encore en 2003. Et ouais. Après, à chaque fois, ça partait, quoi. Pour sortir de la dépression, en fait... Il faut juste déjà commencer par dire ouais, que on peut sortir de la dépression, on va sortir de la dépression, c'est un grand pas en avant. Parce qu'en fait la dépression, en fait, c'est déjà moi en 2016, c'est quand t'as une boule ici, là. T'as une boule là, en fait, ici, là. Et quand t'es dépressif, c'est... Après, il faut faire un travail sur soi, il faut se dire que... la vie est belle et après, il faut arrêter de se prendre la tête, faire des introspections pour savoir qu'est-ce qui vous prend la tête ou pas. Et après, faire en sorte que vous allez mieux après. Oui, là... Il y a fou, toi. Bon, on va passer... Mais j'ai appris qu'il y a 20% de la population en France qui sont dépressifs. Une personne sur 5. Oui, c'est pour ça que quand j'ai mis la photo de mon trouble anxio-dépressif... stabilisé, j'ai précisé que j'étais très fière de partager ce moment parce que je me sentais enfin dans la norme. Non. Voilà. C'était pour dire que voilà, ça s'étouffe pas. Et donc, dans l'espace musical, comme j'ai l'habitude de dire que la musique adoucit les mœurs, je pense que ça fait du bien. Et je chante notamment pour me faire du bien et si possible pour faire du bien aux autres. Et donc je suis ravie de partager Other Side des Red Hot, version un peu plus soul que rock de l'époque. How long, how long will I slide and separate myself? I don't believe it's bad. Seeing my soul, it's all I ever. I heard your voice through a photograph. I saw it up in front of the past. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are not meant to me. A cemetery when I'm out in the sea. Stranger things could never change my mind. I gotta take it on the other side. Taking on the other side. Taking on. Taking on. How long will I slide and separate myself? I don't believe it's bad. Clean my soul, it's all I ever. Put my life into a paper cup. This 24 and I'm sleeping my guts. She wants to know how I feel a slut. I've gotta take it on the other side. Starlit Scarlet, she's in my bed. A candidate for a summit blade. Pull the tiger and pull the sweat. I gotta take it on the other side. Taking on the other side. Taking on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's there. Merci. Bon, sur Metanoia, on va passer à la. Attends, Ignatino, tu parles là? Tu vas nous dire encore un mot? Bah, vas-y. Dis-nous quelque chose avant de partir, Ignatino. Bah, je voulais dire que je suis trop heureux de vous avoir tous connu. Ouais. Là, je vais partir quelque part. Où ça? Non. Chez moi, mais avec deux copines. Ah oui. Ouais. D'accord. Des copines. Deux copines. C'est un danger. Ouais, voilà, ton sourire, quoi. J'ai eu plusieurs appartements dans Paris, Neptune, France. Et j'ai des colocations avec des copines. Des crottes dans ton nez. Ah oui. Mon appartement. Dans ton cul, fermé, bloqué. J'étais assis pour rien, mais pour. Moi, excuse-moi, s'il vous plaît, j'ai aimé la, madame, la dame qui vient de chanter. Merci à toi. Je la kiffe. C'est vraiment gentil de sa part. Elle fait des belles chansons. Et continuez comme ça de votre vie. Merci beaucoup. Et franchement, vous êtes quelqu'un adorable. Vous êtes mignonne. Mignonne. Vous êtes trop mignonne. Vous êtes belle. Vous avez des belles dents. C'est important. C'est important. Non, mais c'est mon sourire de joker. J'y tiens. Merci. Vous avez des belles dents. Vous avez des belles oreilles. Des belles yeux. Et tout dernier, vous avez un bon nez. Ah. Un bon nez. Ah bon. Le nez. Pour mieux te sentir, mon enfant. Excuse-moi, s'il te plaît, j'ai pas fait l'école, mais on se débrouille un peu, on est dans la rue. Oui. Hein. Ah oui, parce que lui. Mais je te comprends, tout va bien. Franchement. Vous avez des beaux cheveux aussi, oublie pas. Non, ils sont pas top, hein. ils sont un peu secs. Hein. Vous êtes belle, vous êtes mignon, vous êtes sexy. Vous êtes très, très, très sexy. On dirait une Miss France 2023. De 40 ans. Et je vous assure, si vous mettez votre candidat pour 2024 à la Miss de France, vous allez gagner. Tu crois ? Si, je te soutiens. Oui. Je te soutiens. Merci. Non, alors si déjà tu partages ma musique, je serai déjà la plus heureuse. Ta musique, franchement, je la kiffe. Merci. Je la kiffe trop beaucoup. Merci beaucoup. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Il a du fou, il a du fou. Metanoïac. Vincent Black va attaquer après avoir entendu un peu. Vincent Black, vas-y. Les gars, ouais. 9-3. C'est bon le micro, ouais. Les gars, déteste ce gouvernement et ses méfaits ne cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idéaux sublessent les héros de ma ville, l'eau, la terre, les mers, les villes entières. Ils détruisent tout sur leur passage, jusqu'en Amazonie, les peuples tous, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains, pendant d'autres s'en battent les reins. Ça change rien à leur train-train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon, réussir à quitter le terre-terre pour évoluer. Arriver là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase, la potée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose. Il faut quitter le 9-3, car si c'est pas Watts, mais ça craint. Les petits embrouillent avec cran, les grands deals, ils partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran aux îles Caïmans. Cela part longtemps. Et l'élite paie la juge pour que la justice soit clémente à son égard. Vu de l'extérieur, ça rend perplexe, ça choque, ça égare. Et personne comme ça, deux en tôle comme ça, à perdre son temps à marcher dans un couloir à Yep, pendant que les riches roulent en 4x4, en 2x6, on se dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur. comme les politiciens pourraient être élus. D'ailleurs, plus personne n'y croit depuis des lustres. Les événements l'illustrent, on parle peu l'essentiel et beaucoup passent à côté de la vie sans autre alternative, c'est fait exprès. Ils tombent dans l'engrenage du filet, comme ces gosses qui marchent sur une bombe. Les radars sont, les armées se déploient, ça tombe dans une embuscade. Les choses sont trop complexes pour qu'on piche, qu'on s'alarme. J'allais au drapeau blanc, le combat continue sans répit. Et les flics tirent sur les cibles humaines, on nous malmène et beaucoup ratent. C'est le désespoir contre un échec de ces hommes. Mais l'Afrique a laissé garder espoir et c'est fort, mais rien qui avance pour l'instant. Alors je me lève la nuit et je prie, et je me demande pourquoi Adam et Ève ont mangé ce putain de fruit. Ce texte, j'ai écrit à 10 ans et en fait, à chaque fois, j'ai toujours de nouveaux textes dans ma tête, en fait. Et quand j'écris, en fait, j'écris comme ça, ça va plus vite, en fait, dans ma tête que dans l'écrit, en fait, quand j'écris. Ça arrive, c'est l'oral, quoi. Ça, la pro-orale. Est-ce que tu peux improviser quelque chose? Non. Fermez les yeux et improviser. Vas-y. Okay, tu peux improviser quelque chose? Allô, micro. Micro, Ogni. Micro. Ouais. On était sur Metanoia, on est sur Pinot. Ogni qui revient. Ogni, c'est à toi. Vas-y. Un micro. Le câble, ça marche pas. Jason qui prend la parole. Vas-y, Jason. Ouais, mais après, tu mets la musique, tu peux parler. On est à 5 minutes avant de. Bah, la finale de ce soir, ça va être un beau match. La Fiorentina très, très forte. Italie, oui. West Ham anglais. Mais c'est la Fiorentina qui va gagner. Voilà. Et en attendant la musique, juste petit retour sur un événement le week-end dernier, le défilé des cultures. Presque les 365 pays représentés. Donc un défilé de 3h30 à peu près. Oui, c'était à Montfermeil, en faveur de la diversité, de la mixité. Et c'est des écoles. Les personnes qui viennent présenter des créations, c'est des jeunes ou des professeurs des lycées et écoles supérieures d'Île-de-France. Et il y a certaines grandes maisons qui sont là, comme il y avait Dior. Il y avait la petite robe noire, c'est... Non, Guerlain. Ouais, il y avait Guerlain. Et un troisième, je ne me souviens plus, qui était là, qui faisait partie du jury... qui délivre également du matériel pour aider les jeunes créateurs à faire leur costume. Donc voilà, un bon moment à Montfermeil. C'est une fois c'est une fois par an. C'est comme un défilé en fait, c'est un défilé de haute couture et version de la bagarre. J'aime bien le début. -1, Jason au rap. Appétit. Dans 3 semaines, la semaine prochaine, c'est répétition parce que. Vive la patate. Gotcha, I bet you. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les bruits si je te plais pas. Mais mes fils et mes gars sont mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, c'est bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Ah, petit là, connais pas la trompère. On se dit l'air, que c'est quoi qui le passe? Tu passes, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de l'air quand la ligne est restée. Gâtier, un petit, on te parle de la boule à du dessus. Un petit, plus parlons d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gâtier la petite, gâtier la petite, la petite. Gâtier la petite, gâtier la petite, la petite. Gâtier la petite, on te parle de la boule à du dessus. Un petit, plus parlons d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gâtier la petite, gâtier la petite, la petite. Gâtier la petite. Gâtez la petite, la petite. Metanoia, à la semaine prochaine. Merci. Metanoia, Metanoia, Metanoia, Metanoia, Metanoia, Metanoia, Metanoia.